Monsieur, vous avez l'air angoissé, qu'est-ce qui se passe? On m'a volé mon portefeuille, mes papiers, mon appareil photo, enfin tout! Ça s'est passé quand et où? Devant la gare, il y a 5 minutes. Soyez précis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été agressé? Non, je cherchais le bureau des renseignements, je ne le voyais pas, et je suis allé vers le kiosque pour demander où il était, et quelqu'un m'a bousculé violemment. Quand j'ai repris mes esprits, je me suis aperçu que je n'avais plus de sac. Un sac à main? Non. Un sac à dos que je portais à l'épaule gauche. Vous avez vu le voleur? Pas tout à fait. J'ai vu un type qui s'enfuyait. J'ai crié au voleur, mais personne n'a rien fait. Vous pouvez le décrire? Non. Je peux dire simplement qu'il était brun avec une veste en cuir noir. Bon, on va rédiger votre déclaration, mais n'espérez pas trop qu'on retrouve vos affaires. Il y a des tas de vols de ce genre. La ville est pleine de touristes. Il faut faire très attention, notamment dans les gares. Évitez de porter vos affaires dans un sac. Mettez votre argent dans une poche et les papiers dans une autre. Merci des conseils, mais c'est un peu tard. Ce sera pour la prochaine fois. Et bon retour!